fils d'Israël entre en Égypte, peu nombreux portés par la faim. Mais la bénédiction les entoure et leur nombre devient un dessein. Un nouveau roi regarde cette foule, non comme une promesse mais comme une peur. Alors l'oppression devient la loi pour tenter d'éteindre ton ardeur. Plus la chaîne serre le corps, plus la promesse grandit encore. Même sous le poids de l'oppression, tu fais grandir ton peuple encore. Même dans l'ombre de la servitude, tu prépares déjà la délivrance dehors. Même sous le poids de l'oppression, ta promesse refuse de mourir. Et là où l'homme veut écraser, tu fais naître l'avenir. Les sages-femmes refusent l'ordre de mort. Elles choisissent de craindre Dieu. Et leur désobéissance devient une porte ouverte vers les cieux. Mais Pharaon durcit son décret, et les enfants sont jetés vers l'eau, sans savoir qu'au cœur du fleuve, tu caches déjà un héros. Même sous le poids de l'oppression, tu fais grandir ton peuple encore. Même dans l'ombre de la servitude, tu prépares déjà la délivrance dehors. Même sous le poids de l'oppression, promesse refuse de mourir. Et là où l'homme veut écraser, tu fais naître l'avenir. Même sous le poids de l'oppression, même sous le poids de l'oppression,